À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le cercle d'études des Jujutsu à Dresde, Allemagne, vient d'être constitué. Les personnalités de différents milieux politiques et sociaux et les adeptes des Jujutsu de l'Allemagne ont participé à la cérémonie de constitution. Les orateurs y ont dit que l'étude, la vulgarisation et la matérialisation des idées du Jujutsu et de l'idée de Sun-gun qui éclaire l'avenir de la cause d'émancipation de l'humanité sont le devoir pour les peuples progressistes. Et ils ont souligné que grâce à la direction révolutionnaire de Sun-gun du dirigeant suprême Kim Jong-un, les militaires et civils coréens édifieront à coup sûr l'état puissant socialiste réunifié et prospère sous le drapeau du Kim Il-sunisme Kim Jong-lisme. On y a adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.